madame en moins. Moi y'en mets chapine en moins. Moi y'en mets si femme en moins. Ça c'est faux, ça la vie. Moi y'en mets si moun en moins. Moi y'en mets si chou en moins. Moi y'en mets si chèvre en moins. Sans moins, moyen mes nègres sans moins, moyen mes tendresses à lui. Ça c'est faux, ça la vie. Moyen mes métis sans moins, moyen mes petits bruits en moins, moyen mes petits blanches en moins. Ça c'est faux, ça la vie. Madame en moins, moyen mes tissus en moins, moyen mes tout saïtini. Ça c'est faux, ça la vie. Moyen mes chabines en moins, moyen mes t-shirts en moins, moyen mes caresses à lui. Ça c'est faux, ça la vie. Plus fort. Moyen met si moun en moins, moyen met si chou en moins, moyen met si chèr en moins. Ça c'est faux, ça la vie. Moyen met maîtresse en moins, moyen met négresse en moins, moyen met tendresse à lui. C'est vrai.